إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، c'est quoi le dernier bab qu'on a pris plutôt des ouais le deux derniers bab ouais باب الشفاعة وباب قوله تعالى قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. نعم. في كل خلاصة للشفاعة. إذا كان الشفاعة. الشفاعة تنقسم إلى قسمين، منفية ومثبتة. نعم. المنفية هي سبب الشر. لكنها تطلب لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. صلى الله عليه وسلم. إكزيست با، جو دير. إلى لوتر. إي با كسلا كي يقول. كومون؟ Il n'y a pas que celle-là qui est refusée. Non, et tu peux avoir une chafara sans shirk aussi qui peut être refusée. Non. Et l'autre, la deuxième chafara, elle est pour. Et elle a deux conditions. Elle est faite bi-idhnillah. Et la deuxième, c'est que le mashfou'a. Le mashfou'a là où le shafir, il est. Al-Azir, radiallahu. Il est. Quand là, il agrée. Le shafir, le mashfou'a là. والهداية في كل خلاصة لقدي كذلك تنقسم إلى قسمين، توفيق توفيق لله توفيق. هداية التوفيق والإلهام و والإرشاد دلالة والإرشاد. نعم، c'est laquelle qui vient à Allah؟ La première. نعم. La deuxième c'est juste une indication. أحسنت. الآن سندخل في باب الذي يلي، وهو كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن السبب كفر بني آدم وتركهم دينهم وتركهم دينهم والغلو في الصالحين. qui est le chapitre de ce qui est venu que la cause de la mécréance des fils de Adam et du délaissement de leur religion, c'est l'exagération dans les صالحين. صالحين ورجل الصالح والذي ومن قام بحق الله هذا هو الرجل الصالح donc celui qui accomplit le droit d'Allah سبحانه وتعالى. هذا الباب اولا قال الشيخ ابن باز بين المؤلف سبب كفرهم وأغربه هو الغلو في الصالحين وهناك أسباب أخرى كالحسد والبغي والغالب أنهم أحبوا الأنبياء والصالحين حتى غلوا فيهم وكفروا. Donc il dit que le mouallif a voulu démontrer que le kufr, le sebeb du kufr, on va dire la plupart, parce qu'il y a d'autres asbeb, c'est le ghulou dans l'exagération dans les gens pieux. Il y a d'autres asbab, comme le hasad, la jalousie, ça c'était présent chez les Yahoud, mathalan, qui ont empêché d'accepter la vérité. Il y a le bari également, l'injustice. Ou le ghalib, la plupart des cas, c'est qu'ils ont aimé les anbiya et les salihin au point d'exagérer dans leur personne et à en devenir mécréants. Et ce bab-là est parmi les abouab également qui ont un khatar sur le sunni. Car les abouab, alhamdoulilah, le sunni, c'est des choses qui sont claires. Bizinat ta'ala, il ne tombera pas dedans. Dans le fait qu'il a compris les rats. Mais il y a d'autres abouab, comme celle-ci, mathalan, qui est le roulou dans les individus. Et ça, c'est une chose qu'on va trouver aujourd'hui, même chez des gens s'apparentant à la salafia, qu'ils exagèrent dans certains individus. كما سيذكره المؤلف بنفسه يعني شارح بنفسه قال وقوله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم الرسول صلى الله عليه وسلم أو vous les gens du livre n'exagérez pas dans votre religion. C'est-à-dire les Nasara également les Yahoud, à savoir que les Nasara ont plus de ghulou que les Yahoud dans leur religion. car les Yahoud à la base ont plus de ilm, mais qui n'ont pas appliqué. Et les Nasara, eux, c'est beaucoup de jahl, donc ils sont mis dans l'égarement, dans la mauvaise application de leur religion, pour une mauvaise compréhension. Moi, les Aliga. قال والمقصود من الباب التحذير من الغلو في حب الصالحين والأنبياء وحبهم دين حيث قال في دينكم والحب والبغض في الله من الدين كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ولكن هذا الحب لا يكون بالغلو بل باتباعهم وعدم عصيانهم وطاعتهم ولا بعبادتهم من دون الله عز وجل. Donc là, le sens, l'objectif de ce bab, c'est de mettre en garde contre l'exagération dans l'amour porté aux salihin, aux anbiya et autres. Car l'amour, à la base, cet amour, c'est une religion. Comme Allah Azza wa Jal, dans le sens où il dit, fi dinikum, dans votre religion. Et l'amour et la détestation en Allah font partie de la religion, à la base. Al-wara wa al-bara. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que aucun d'entre vous ne croira tant que Allah et son messager ne seront pas plus aimés auprès de lui de toute autre chose. Cependant, cet amour ne doit pas se produire avec du rouleau, avec de l'exagération, mais en les suivant et en ne désobéissant pas et en obéissant, et non en les adorant en dehors d'Allah, c'est-à-dire l'anbiya. Car des gens exagèrent dans les NBA, comme tu le sais, et même fi sha'nillahi azza wa jal, dans ses asma et sifat, ils ont exagéré tellement ils ont voulu faire un tanzih des ruyoub, de le purifier de tout défaut, ils en sont arrivés à annuler les attributs. Et d'autres, c'est le contraire, ils ont exagéré dans le tashbih, ils l'ont fait ressembler à sa créature, Adam Bab le rouleau, dans le rouleau. Et les NBA, ceux qui sont mis à les adorer, à les invoquer en dehors d'Allah, Adam Bab le rouleau. Ou le contraire, ceux qui les ont dénigrés, rabaissés plus bas que leur rang, Adam Bab le rouleau, kazalik. Wa qala al-sharih, wa kaza al-ulama wa salihun, yakunu hubbuhum bitaradi anhum, wa sayr ala minhajihim, fayajibu an yakuna mahabbatan shad'iyya, an takuna mahabbatan shad'iyya. Il dit, il en est de même pour les ulama et les salihoun, que l'amour qu'on doit leur porter doit être en les agréant et en acheminant sur leur voie. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit légiféré. Et ça, comme je l'explique au début, c'est un fléau aujourd'hui qui a atteint beaucoup de gens de la sunna, qu'ils exagèrent dans certains individus, au point qu'ils ont fait de leurs paroles comme étant un décret shib. Divin, presque divin, c'est-à-dire que rien n'est pris comme décision sinon en passant par leur parole à eux en particulier, pas aux autres. Et que quoi qu'ils disent, leur parole est acceptée. Certains te disent, nous, on attend ou on suit les savants, on attend voir ce que vont dire les savants. Et ça, c'est un talbis. C'est pas les savants qui veulent, c'est le savant qui veulent. Pourquoi? Car s'ils attendaient les savants, c'est-à-dire qu'ils attendraient que les savants, de façon générale, parlent et dans leurs paroles, ils appuient cela par un dalil. Mais eux, ils vont te dire, on attend que les savants parlent ou les savants ont parlé, ils veulent dire par là un individu, deux individus en particulier. Pourquoi? Car lorsque d'autres savants parlent, ils attendent. Ils attendent quoi? Que parle cela en particulier. Même si 10 se mettraient à parler, ils n'agiront pas tant que leur savants dans lesquels ils ont du rouleau ne parlent pas. Donc c'est pas les savants qui veulent, c'est des individus en particulier. Et le contraire, si ces individus en qui ils ont du rouleau parleraient, même un seul ou deux, même si 15 à côté parlent, ils feraient pas attention, à part si ces 15 là sont en conformité avec leur individu. Mais si lui parle tout seul, ils acceptent et ils rejettent les autres. Donc c'est pas les savants qu'ils attendent, ce n'est pas vrai. C'est la personne dans qui ils ont du rouleau qu'ils attendent. Et ça, c'est présent aujourd'hui. chez des gens qui s'apparentent à la salafia. Et ce bab, il est khatir jiddan, comme on va expliquer à la fin, inshallah. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يعوث ويعوك ونصرا قال هذه أسماء رجال صالحين قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى هلك حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. Dans le tafsir du Qulillah Azza wa Jal, comme cela est dans le Sahih, dans la part de l'Allah, dans le sens où il dit, et il dit, n'abandonnez jamais vos divinités, n'abandonnez pas Wad, et non, et ni Suwa', ni Ya'ous, ni Ya'ouk, ni Nasra. Ibn Abbas, il a dit en tafsir de ce verset. Ça, c'était les noms d'hommes salihin du peuple de Nuh, alayhi salam. Et lorsqu'ils sont morts, Al-Shaytan est venu leur inspirer de dresser des statues à leur effigie dans les assises dans lesquelles ils assistaient. Et de nommer ces statues avec leur nom. Ils l'ont fait. Cependant, elles n'ont pas été adorées. Tant que ces gens, c'est-à-dire les premières générations qui ont fait cela, n'ont pas péri. Puis par la suite, la source a été oubliée. Et là, les gens se sont mis à adorer ces statuettes. Donc là, le peuple de Nuh, comme le dit le tafsir qui est clair en lui-même, à la base, lorsqu'ils ont fait ces souars, leur cause, ce n'était pas de les adorer, juste de se les rappeler, car ils les aimaient. Et là, Shaitan, il a ouvert une porte. Car le travail de Shaitan, des fois, n'est pas sûr. Un djil, lakin fi zaman tawil, il voit loin. Quand même, il voit loin. Il n'a pas voulu forcément égarer ces gens-là en eux-mêmes, cette première génération, car il y avait en eux des savants, mais leur génération à venir, leurs enfants, petits-enfants par la suite. Donc ils ont fait quoi? Ils leur ont dit de faire ces souars. Et la sourah n'est pas limitée au statut. La sourah, c'est toute représentation, qu'elle soit en statut ou autre, comme dans des hadiths, c'est venu, comme a fait hadith Ali, quand elle est la tada, suratan il est tamastaha. Ne laisse pas une image sans l'effacer. Donc elle dit effacer, c'est-à-dire c'est pas cassé. Ça prouve que la sourah, c'est pas forcément une chose qui a une ombre, comme certains ulama disent, qui est tridimensionnelle. Ça peut être aussi une image. Ça peut être une photo, ça peut être une vidéo ou quoi. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est entré dans la Kaaba, il y a vu des souars de Ibrahim alayhi salam. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a effacés, il ne les a pas cassés. C'était des choses qui étaient sur le mur. Il y avait des souars de Mariam kazalik, même afkor. Donc tout prend le même jugement. La statue et l'image. Quand même ce qui est tridimensionnel et ce qui est bidimensionnel, c'est pareil. Ça s'appelle soura. Celui qui les confectionne s'appelle Moussaouir. Donc par la suite, quand ces gens qui ont fait ces statuettes à l'effigie de ces gens pieux ont fini par mourir, les gens ont oublié les causes de leur confection. Wadjil barjil, wazemen barzemen, waqa'u fi ibadatihim. Ils sont mis les adorer. Et on avait pris dans Azon Tothir l'Irtiqad et dans Kef Sheshubouet qu'il y a un ishkel dans l'ordre chronologique de cette histoire. Qui a dit le peuple de Nuh qui ont fait cela. Alors que Nuh, il est arrivé, il les adorait déjà. Donc il y a un truc qui ne va pas. Et Cheikh Mokbil, il voit que ce tafsir est muntaqad par rapport à ça. Chronologiquement parlant, Al-Ma'nama yastaqim, qui a un problème. Car lorsque Nuh est arrivé, ses asnam étaient déjà adorés. Donc comment pouvait-il être des hommes de sa génération, de son peuple pieux, qui ont fini par mourir et fini par être adorés? Comment cela a-t-il pu arriver? Allah alam. Donc là il y a un ishkel. Et Cheikh Othaymeen dit qu'il y a un ishkel dans ce affaire par rapport à ça, en effet. mais ça ne change rien au haqa'iq, yani au sens apparent, que le roulou, quand même, c'est parmi les asbab, min wuku'u an-nas fi shirk, wa taswir kadhalik, le fait de faire des images et de faire des représentations, c'est parmi les causes qui ont amené les gens à tomber dans le shirk. Et là-dedans, il y a le khatar du jihel, de l'ignorance. Car lorsque la science est oubliée, les gens tombent dans al-jihel et tombent dans les énormités. Également le bida. Et aussi, zallat al-alim, l'erreur involontaire commise par le savant. Car cette erreur, tu en verras les conséquences par la suite. Tu m'abardes. Les gens se servent de ce kalem, de ce alim, pour pouvoir se permettre des choses qui ne sont pas permises. Aujourd'hui, Bethlen, voilà, avec une tirabat. Des grands imams de notre époque, comme Cheikh Al-Othaymin, Cheikh Ibn Baz, ou même Cheikh Al-Albani, lorsqu'il a fait son erreur, ben après il est revenu. Une tirabat, les gens s'en servent aujourd'hui pour justifier. Car lorsqu'on leur dit une tirabat mayajouz, les élections c'est pas yajouz, ils disent c'est une masala ijtihadiya, et ils disent kibar imma kod aftu bizalik. Des grands savants ont déjà fait les fatwas là-dessus. Donc ils se servent de ça, les gens. Ou dans le taswir, quand tu vois des ulama se faire filmer ou photographier, les gens disent, regarde, Cheikh Foulan, il l'a fait. Donc ces zallat amènent à ce que par la suite les gens tombent dans l'erreur et se prennent comme preuve l'effet de ces ulama à l'asaf. Le alim, lui, il est, s'il a fait un ijtihad et qu'il est mukhlis, lui, il est récompensé. Mais les suiveurs ne le sont pas. Car ça, c'est pour le mujtahid seulement. Thumma qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Wa qala ibn al-qayyim. Souvent les gens ne savent pas comment on dit. Est-ce qu'on dit Ibn al-Qayyim ou Ibn Qayyim? Et ce qui est le plus apparent, c'est Ibn Qayyim al-Jawziya. Al-Jawziya, c'est une madrasa à son époque. C'est Ibn Qayyim, sans L, al-Jawziya. Qal, rahmallahu ta'ala, qal ghayr wahid min al-salaf, لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الامد فعبدوهم. Il dit quoi lui par rapport à ce tafsir? Il dit que plusieurs parmi les salafs ont dit que lorsqu'ils sont morts, c'est-à-dire ces gens pieux, les gens se recueillaient autour de leur tombe, puis les ont confectionné des images de leur effigie. Tamathil, c'est des statues. Et après le temps, ces statuettes ont fini par être adorées. Ils sont mis à les adorer. Et le kalem de Ibn Qayyim, comme dit Cheikh Ibn Baz, on pourrait croire, il laisse apparaître que ce sont les gens même qui ont fait ces sawars qui ont fini par les adorer. Comme il a dit, ثُمَّ صَوَّرُوا تَمَاثِلَهُمْ ثُمَّ طَالَ عَلَيْهِمْ الْأَمَدْ فَعَبَدُوهُمْ. D'accord ? Qui les ont représentés sous forme de statuettes. Puis, le temps ont passé, puis se sont mis à les adorer. Donc, on dirait que ce sont les mêmes personnes qui ont fait cela. وَقَالْ فَالْبِدَعْ شَرُّهَا عَظِيمٌ عَلَى مَنْ فَعَلَهَا وَعَلَى مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ. Il dit que les bid'a, les innovations, leur mal est immense sur celui qui les a commises et sur ceux qui viennent par la suite. Ça fait effet boule de neige. Ça commence par quelque chose qui paraît minime, qui finit par grossir. Comme ce fut le cas, comme on stipule souvent, l'exemple de Ashab Masjid Bani Hanifa, qui faisait le tasbih avec des cailloux. Ibn Mas'ud, il est venu, Ankara alayhim, les a blâmés pour cela. Il l'a dit, Ma radna bizalika li khayra. D'accord, Ibn Mas'ud, Kam min murid al khayr, lam yusibuhu. Ils ont dit, nous on veut que le bien par cela. Il dit, combien ont voulu le bien et ne l'ont jamais atteint. Et par la suite, on les a retrouvés dans les rangs des Khawarij. Ça a commencé par un tasbih avec des cailloux, et ça a fini par quoi? Khawarij. Khuruj al-umma wa takfir al-umma wa li'azu billah. Et ça, c'est souvent c'est les ulama qui le disent. Et parmi les ulama qui ont le plus de clairvoyance, le alim, je donne un exemple souvent, le alim, basir, kin basira, bi mujarrad ru'ya al-habba ya'lam al-thamar bi fadlillah. Le fait qu'il voit juste la graine avant qu'elle ne soit plantée et qu'elle ne soit arrosée, il sait déjà le fruit qui va en sortir. Il voit la graine, dit ça. Cette graine-là, que vous voyez là, elle va vous apporter telle et telle conséquence. Et les gens, ils ne comprennent rien.

مدح اخاه في وجهه وفي المعنى يعني celui qui fait l'éloge de son frère devant lui alors qu'il lui remplisse sa bouche de terre pour qu'il se taise. وقال كذلك من مدح اخاه في مجلس فيه فقد قسم ظهره. Celui qui voit son frère lorsqu'il n'est pas en lui, il lui a brisé le dos. Tu brises le dos à ton frère. Ne crois pas qu'en disant Foulen, il est Masha Allah, Foulen, Allahumma Barik, Foulen, Kaza, tu fais plein d'éloges sur lui. Ne crois pas que tu l'aides en faisant cela, forcément. L'éloge, s'il y a une maslaha, il y a un besoin, il faut la faire. Pas même, il faut la faire. Comme dans les teskiya, les gens qui les méritent. Il faut la faire. Mais sans exagérer. Sans exagérer. Car le fait de faire l'éloge de quelqu'un, ça peut lui monter à la tête. Comme on va le prendre par la suite. Et après, il peut dévier, comme des gens ils font. Avec des personnes, oh, un tel il a trop de science, un tel il est trop fort, un tel il est kaza, il est kaza. Faire cela, cette personne-là, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Au contraire, il voit les gens le gonfler, ça lui monte à la tête et après il peut dévier à cause de cela. À cause du rouleau des gens dans sa personne. Wallahi azu billah. Faqala an Omar. La, qad kulna hada. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablahum. Man kana qablakum al-ghulu. Donc il a dit An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, prenez garde à l'exagération, car ceux d'entre vous n'ont péri avant vous qu'à cause de l'exagération. Et c'est ce hadith, cette parole, il l'a tenue lors du hajjat al-wada', le hajj d'adieu. Et ce hadith était rapporté par les gens des Sunan avec un bon isnad, il est sahih selon le col de Cheikh Ibn Baz. Al-Albani kadhalik sahihu, na'am. وقال هنا في الدين هي وهي الزيادة في الدين بما لم يأذن به الله بل الواجب والوقوف على النص بدون زيادة ولا نقصان فإذا زادوا وقعوا في الشرك أو البدع. Donc il dit quoi, cette exagération, c'est l'excès, l'ajout, le surplus, celle qui a lieu en religion dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas autorisé de faire, d'en faire plus, d'en faire trop. Et l'obligation, c'est de s'arrêter au texte, d'appliquer comme les textes sont venus, sans rajouter ni réduire kazalik. Car si un ami rajoute, il risque de tomber dans le shirk ou dans l'innovation. Ce sera ou l'un ou l'autre. Wa qala wa li muslim an ibn mas'ud anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala halaka al-mutanatti'un qalaha thalathan. Qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam sur ibn mas'ud que périsse الغالي المتشدد المتكلف الذي يزيد في الامور ولا يكتفي بالحد المحدود. Celui qui exagère, qui en fait trop, l'extrémiste, pas comme les koufars le disent, non pas l'extrémiste au sens légiféré, c'est-à-dire qui dépasse les limites instaurées par la religion, par la législation. Il ne se contente pas, ne se limite pas à ce qui lui était déterminé. Et le vrai musulman modéré, c'est le salafi. Celui qui s'appelle modéré aujourd'hui, c'est un laxiste. Même des fois, c'est un kafir. Ils appellent le musulman non pratiquant. Musulman non pratiquant. Celui-là, c'est un kafir. Il n'y a pas de musulman non pratiquant, ça n'existe pas. Soit tu pratiques, pas, tu n'es pas musulman. L'islam, c'est l'islam lillah. Tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si jamais tu ne pratiques pas, tu n'es pas soumis à Allah. Donc tu n'es pas un musulman. Tu es un kafir. Et l'autre côté, tu as ceux qui en font trop. Souvent, tu trouves chez qui? Chez les gens de la bida. Les khawarij, qui sont mis en mécréant les muslimines pour des kabaïr. Ou les soufiyas, qui sont mis à invoquer autre que Allah subhanahu wa ta'ala et faire des bida. Et tous les gens de la bida, ils ont du rouleau, quelque part. Et d'un côté de tamiya kazalik. Tous les gens de la bida, ils ont du rouleau, quelque part. Et le mu'tadil, mutawassit, c'est le salafi. Maintenant, tu peux trouver chez certains salafis une branche du rouleau, ça existe. Un tel dans tel point exagère trop. Un tel dans ce point-là exagère trop. C'est possible. Mais la salafie en soi en elle-même, elle n'est pas comme ça. N'appelle pas à cela. Elle appelle au juste milieu. Et quoi qu'il en soit, aujourd'hui, quoi que tu fasses comme ibadah, si tu zid, ta zid alayha, tu tomberas dans le tanat toi. Et tu finiras par périr. Et tu n'en feras jamais plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a fait. Jamais tu feras plus que lui. C'est pas possible. Donc le tanat toi, ce rouleau, peut avoir lieu dans l'ibadah. Il y avait des gens à l'époque de Aïcha, qui disait lorsqu'il écoutait le Coran, il tombait dans les pommes, soi-disant. Il s'évanouissait, tellement ça leur faisait effet. Elle disait, dites-leur d'aller au bord d'un précipice, d'écouter le Coran, on voit si on tombe dans les pommes. Ça, c'était le tanatul, le takallouf, il se forçait. ou des gens qui se forcent à pleurer parce qu'il ne faut pas. Tout ça, tu rentres dans le tanattu' et dans le takalluf. Chose qui est interdite en religion. Comme a déjà fait hadith, nuhina ni takalluf. Qui nous était interdit de nous forcer à faire des choses qu'on ne supporte pas ou des choses qui ne sont pas de notre nature. Maintenant, l'ijtihad, c'est autre chose. S'efforcer à faire du khayr, quand même, c'est autre chose. Mais le takalluf, c'est imposer une chose ou faire passer une chose qui n'est pas de toi. Donc le rouleau amène à deux choses, soit la bid'a ou soit au shirk billahi ta'ala. Comme ce fut le cas de ces gens qui ont trop aimé leur salihin et ont fini par tomber dans leur ibadah. Qala shi'a al-Thaymin dans al-Qawl al-Mufid ma fawaid comprend par rapport au rouleau. Il a cité quatre masail par rapport au rouleau. Min mafasid al-rouleau. Qal min mafasid al-rouleau parmi les points néfastes du rouleau. Annahu tanzilu lil-ma'ruf fihi فوق منزلته إن كان مدحا أو تحتها إن كان قدحا. Que le rouleau, la personne en qui on exagère, c'est que tu le finiras par le mettre à un niveau qui n'est pas le sien, si jamais c'est par l'éloge, ou le réduire au sourant, si jamais c'est par la diffamation. Car ça rentre dans les deux, le rouleau. Tu vas élever quelqu'un au-dessus d'un niveau qui n'est pas le sien, tu fais trop son éloge, ou quelqu'un que tu vas trop diffamer, alors qu'il ne mérite pas cela, tu vas le rabaisser, alors qu'il mérite d'être élevé à la base. وأنه يؤدي إلى عبادة هذا المغلو فيه كما هو واقع من أهل الغلو. Que cela va amener à tomber dans sa ibada, te mettre à l'adorer. Comme ce fut le cas, gens du rouleau, à l'exemple de ce qui a été rapporté du Qoum de Nour, In Sabat. ثالثا, أنه يسود عن تعظيم الله. هذا, que ce rouleau t'empêche d'apporter et de faire le ta'zim dans le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Ça fait comme une balance. Si tu mets trop de poids quelque part, l'autre il va monter. Donc tu vas exagérer sur une chose et tu vas alléger, amoindrir du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on le voit, des gens qui ont du rouleau dans les ulama, ils finissent par tomber dans les mukhalafa. Ils ne suivent plus les adillah. Ils suivent ce que dit cette personne pour qui ils ont du rouleau. حتى في شأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في شأن السلف يتديز نون دي السلفي من السلف tu viens des écoles des salaf des ahkam salafiyah comme Cheikh Foulen ses paroles ne coordonnent pas que ces ahkam ils font passer la parole de Cheikh Foulen sur les ahkam salafiyah qui étaient connus chez les salaf sur lesquels ils marchaient auparavant. Tu vois que Allah subhanahu wa ta'ala a mis des ahkam dans sa religion, ils vont les enfreindre pour pouvoir suivre les paroles de Cheikh Foulen. Donc ce roulou amène à cela. Ou dans la ibada, ils vont adorer un tel, ce qui fera que leur ibada pour Allah sera amoindrie. Kazalik. Ou ils vont plus obéir à un tel qu'ils vont payer au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala rabi'an an al-ma'lou fihi in kana mawjoudan fa innahu. Un verbe, j'ai pas compris ce qu'il avait mis, mais le ma'na mafhoum est ou yazhaw bi nafsihi. C'est ça qu'il avait écrit comme ça. ويتعاظم ويعجب بها وهذا وهذه مفسدة تفسد المغلو فيه إن كان مدحا وتوجب العداوة والبغضاء وقيم الحروب والبلاء بين هذا وهذا إن كان قدحا. Donc il dit comme on disait tout à l'heure que ce rouleau, cette personne si jamais elle est présente, ça va l'amener à ce qui sera un but de sa personne. Il va s'aimer lui-même et se voir à un niveau plus haut que le sien, à un niveau qui est plus haut que le sien. Il sera impressionné par cette personne, il aura beaucoup d'amour propre. Quand même, cela va le corrompre. Et cela, dans quel sens? Si jamais ce rouleau est dans le madh, dans l'éloge. Par contre, si jamais c'est dans la critique, cela va amener à quoi? À l'animosité, à la guerre entre un tel et un tel, entre celui qui va défendre et celui qui va attaquer. Car le rouleau dans les individus amène à cela, à la fourqa, à la division. Et tu vois, apprendre le tawhid, ça t'apprend même les masail menhajiyah. Car ça revient au sol de la religion. Comprendre le tawhid va t'amener à comprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Bifadlillahi ta'ala. Sanakhouz al masail allati tata'alaqu bihada al-bab. Qala fi masail. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام وراها من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. Que celui qui a compris ce bab et les deux qui vont arriver par la suite, on les prendra ensemble parce qu'ils sont liés, inshallah ta'ala, comprend l'étrangeté de la religion aujourd'hui, à cette époque. Et il voit comment Allah subhanahu wa ta'ala retourne les cœurs. ثانياً معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. Que le shirk, première forme de shirk qui est apparu sur terre, c'était à cause de quoi? De l'amour pour les salihin. Une shubuha qui a eu lieu dans les salihin. الثانية أول شيء غير به دين الأنبياء وسبب ذلك مع C'est la chose qui a été la cause du changement de la religion des Anbiya. Tamam. Et que, tout en sachant que c'est Allah qui les a envoyés. Car ces gens-là ont changé la religion de qui? De Adam, alayhi salam, en premier lieu. Rabia, qaboul al-bida' ma'akoun al-shara'i' wal-fitr tarudduha. Que les gens acceptent le bida alors qu'à la base la législation et la nature première les refusent à la base. La khamisa ana sabab zalika kullihi mazj al-haq bil batil. Fal-awwal muhabbatu as-salihin wa thani fi'l unas min ahli al-ilm wa ad-din shay'an aradu bi khayra. Fa dhanna man ba'dahum annahum aradu bi ghayra. Et que la cause de tout cela c'est lorsque la vérité et le fond étaient mélangés. La première, c'était quoi? L'amour des salihin. Et la deuxième, c'était quoi? Que des gens, parmi les gens de science, ont voulu quelque chose, ils ont voulu un bien, c'est-à-dire en faisant ces soirs. Et des gens, d'après eux, ont cru qu'ils ont voulu autre chose par cela. Ils ont voulu leur ibada. As-sadisa, tafsir l'aya latif fi surat Nuh. Le tafsir du verset qui est dans surat Nuh. On a dit qu'il y avait, dans la chronologie, il y avait un truc qui n'allait pas avec le tafsir d'Ibn Abbas. As-sabi'a, جبلة الأدمي في كون الحق ينكس في قلبه والباطل يزيد. Que parmi les choses qui reviennent à la nature des humains, que le haq peut baisser dans son cœur et que le batil peut augmenter. الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. Qui a justement un shahid, un témoin de ce qui a été rapporté des salafs qui disent que la bid'a c'est une cause de kufr. La bid'a, une cause de kufr. Également, al-ma'siya. يعني الذنوب بريد الكفر. C'est-à-dire c'est un moyen qui mène au kufr. Car tu fais une chose, deux choses, trois choses pour arriver à... Car la bida, ça mène à quoi? À changer la religion. Celui qui enchaîne bida, ce bida, il amène à tuer la religion. Comme il était dit, la bida, chaque bida, taktul sunnah. Chaque bida qui est faite, elle te tue une sunnah. Donc à force de faire des bida, tu tues les sunnahs, donc tu tues la religion. Et en tuant la religion, tu amènes au kufr. التاسعة معرفة الشيطان بما تأول إليه البدع والبدعة ولو حسن قصد الفاعل. Que الشيطان sait ce à quoi mène le bida, même si la personne avait une bonne niya en faisant cette bida. عاشرة معرفة قاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. Et qui est le fait de connaître une قاعدة majeure d'ensemble qui est l'interdiction du غلو. Et de savoir ce à quoi emmène ce rouleau. Al-Hadiata Achar. Madaratu al-Ukuf. Al-Ukuf. Al-Kabri li-Ajli Amel Salih. Le côté néfaste du recueil auprès de la tombe pour y accomplir une œuvre pieuse. Cela va arriver dans les babes qui arrivent, Inch'Allah. Adorer Allah auprès d'un Kob. Al-Thanata Achar. Ma'alifat al-Nahi an-Tamathil wa Hikmat fi Izalatiha. Le fait de connaître l'interdiction de confectionner des statues et la sagesse qui en découle. الثالثة عشر معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها ما غفرت عنها. Le fait de bien connaître, d'insister sur le fait de connaître cette histoire, c'est-à-dire comment le shirk est arrivé, tamam, malgré cela, l'intention des gens par rapport à cette histoire. Ils ne font pas attention à cela. الرابعة عشر ويا أعجب وأعجب قراءة قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون لا حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر والمبيح للدم والمال. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'ils disaient, ces gens-là lisaient cette histoire dans les livres de tafsir et dans le hadith, en sachant le sens du kalam. Et que Allah subhanahu wa ta'ala est venu et a quand même fait rempart entre eux et leur cœur. Entre eux et leur cœur. De ces gens qui ont lu ces histoires et qui sont quand même tombés dans l'ibada. Ils ont rendu le kufr iman ou l'iman kufr. Al-15, al-tasrih annahum lam yuridu ila shafa'a. Le fait clair qu'ils n'ont voulu par cela que la shafa'a. Là, je ne vois pas ce qui est écrit dans le texte. Je pense que ça paraît cela. Al-16, ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. Ils ont cru que les savants qui ont confectionné justement ces images, plutôt ces statuettes, ont voulu cela, c'est-à-dire shirk. Qu'ils ont fait ces histoires, ces tamathil pour les adorer. Hein? Ils l'auraient mis après, sinon. Ils auraient dû mettre après dans l'ordre. Ça avait été ça. Allah alam. Al-17, al-bayyin al-azim fi qawlihi لا تتروني كما أطرأت النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. Qu'il a bien éclairci ce qu'il a voulu dire par là en disant n'exagérez pas dans ma personne par l'éloge comme l'ont fait les Nasara avec le fils de Mariam, et qu'il a vraiment retransmis de la meilleure façon, la façon la plus claire. Al-18, نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين, qui nous a bien conseillé que justement les متنطعين, ceux qui exagèrent finiront par périr. Al-19, التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر ووجوده ومضرة فقده. Il y a l'éclaircissement sur le fait que ces statuettes ont été adorées qu'après que la science a été oubliée. Donc cela te démontre justement le cadre de la science et l'importance de sa présence et la nuisance qui en coule lorsque celle-ci disparaît. 20, أن سبب فقد العلم موت العلماء. La cause de la perte de la science, c'est la mort des ulama. Et que dire lorsque ces ulama sont présents que les gens le diffament, injustement, en temps plus grave. Donc là, c'est le bab d'aujourd'hui qui était ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. Que les fils de Adam ont délaissé leur religion, et la cause de cela, c'est le غلو dans les صالحين. فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.